Bon, on pourra réessayer. Merci en tout cas Didier Antherger d'être venu nous en parler aujourd'hui. Ombre et lumière du mythe américain sur Hopper. C'est un ouvrage de vous qu'on trouve aux éditions Gallimard. Lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings, these foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near to me. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. Pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Hermann Éditeur a publié récemment un livre de Fabrice Bourlaise, Queer Psychanalyse, Clinique mineure et déconstruction du genre. Nous avons joint Fabrice Bourlaise au téléphone pour nous en parler. Bonjour Fabrice Bourlaise. Bonjour Anastasia. Alors, racontez-nous, c'est quoi la queer psychanalyse ? Alors, la queer psychanalyse, c'est pas une discipline qui existe, hein. Je dirais plutôt que c'est un exercice d'éthique et un travail de réinvention des concepts qui sont à l'œuvre aussi bien dans le champ de la psychanalyse que des théories queer. C'est-à-dire que si vous voulez, les théories queer, qui sont des théories qui apparaissent aux années 90, au moment de la crise du sida, dans les universités américaines, mais aussi en dehors. Hein. Les théories queer sont des théories qui visent à déconstruire le genre, déconstruire l'hétéronormativité dans un moment de crise, des théories qui essayent de réfléchir les rapports qui se tissent entre corps, langage, pouvoir. Et ces théories ont très souvent été opposées à la psychanalyse. C'est-à-dire qu'elles se servent de la psychanalyse pour, en quelque sorte, la conspuer, la remettre en cause. Et de la même manière, la psychanalyse voit d'un plutôt mauvais œil les queer studies. C'est-à-dire qu'on pourrait parler presque d'un match de boxe. Et selon moi, ce match de boxe, si on monte sur le ring, il se termine de deux manières. Soit on a deux gagnants, soit on a deux perdants. Et habituellement, les uns et les autres, aussi bien les psychanalystes que les théoriciens queer, essayent de mettre la vieille dame psychanalyse enturbanée dans son silence énigmatique à terre. Et de la même manière, les psychanalystes la vieille dame se reprend, essayent de mettre à terre les théoriciens queer en leur disant « mais vous ne vous adressez pas à nous, vous ne comprenez pas ce que nous faisons ». Et donc une sorte de match de boxe qui peut être violent, qui peut être fait de malentendus entre ces deux champs disciplinaires. Et parler de queer psychanalyse, c'est essayer de faire en sorte que ce match de boxe se termine avec deux vainqueurs. C'est-à-dire que c'est faire en sorte que les psychanalystes repensent leur éthique à partir des déconstructions que les théoriciens queer ont pu leur proposer, leur imposer, leur pointer de manière, oui, je le répète, parfois très violente. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a reproché quand on est queer aux psychanalystes ? On pourrait dire qu'on leur a reproché quatre choses. On a pu reprocher à la psychanalyse d'être encore prisonnière du complexe d'Édipe, de rester prisonnière d'une manière d'envisager la famille très très centrée autour du papa, maman, bébé. On a pu reprocher aux psychanalystes d'être homophobes. Et c'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu des équations un tout petit peu douloureuses quand on appartient au champ des minorités sexuelles où être homosexuel était équivalent à être pervers. On a aussi accusé la psychanalyse d'être hétérocentrée. Et enfin, on lui a reproché de ne pas pouvoir aller au-delà de la différence des sexes. Bon, eh bien, il m'a semblé important de reprendre toutes ces critiques, tous ces reproches que les queers adressaient à la psychanalyse, pas pour dire vous vous trompez, pas pour dire vous visez pas le bon endroit, mais au contraire, vous pointez des choses qui peuvent être à l'œuvre dans une certaine doxa psychanalytique, dans une certaine manière de pratiquer la psychanalyse, une certaine manière qu'on pourrait dire majeur et qu'il s'agit de déconstruire. Il m'a semblé très important pour rester dans ce ring, pour faire en sorte que psychanalystes et queer, il ne s'agit pas de prôner une sorte d'un angélisme un peu réconciliateur comme ça, de prôner une sorte d'entente parfaite. Mais enfin, il me semblait important de montrer que la psychanalyse, à partir de ces accusations des théories queer, pouvait essayer de se réinventer, de faire la généalogie de certains de ces concepts, l'Édipe, bien sûr, la castration, le phallus, la femme, la jouissance, enfin, autant de termes qui sont à l'œuvre dans la clinique, c'est-à-dire dans la pratique psychanalytique, pour essayer de réinventer l'éthique qui est au cœur de la pratique, qui est au cœur de la fonction du psychanalyste. Donc voilà, queer psychanalyse, c'est essayer surtout de faire entendre que la pratique psychanalytique peut se réinventer pour rencontrer des minorités en tout genre. Merci beaucoup Fabrice Bourlaise. Je rappelle que votre livre « Queer psychanalyse, clinique mineure et déconstruction du genre » vient de paraître chez Hermann Éditeur. Merci beaucoup Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à Isis Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission avec Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette émission. Alexandre Dang, qui est à la prise de son aujourd'hui, Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain. Demain pour les chemins du vendredi qui vous propose un nouveau Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Nous serons demain en compagnie du philosophe Jean-Luc Nancy. D'ici là, pour réécouter cette émission ainsi que toute cette série sur l'attente, sachez que c'est très simple, vous rendez sur le site de France Culture la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, précise. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.